Chapitre 81. L'interdiction de solliciter l'autorité et la refuser sauf en cas de nécessité. Allah Ta'ala dit: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Sourate 28, verset 83. 674. Abu Sa'id Abdurrahman ibn Samura, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit: Ô Abdurrahman ibn Samura, ne réclame pas l'autorité, car si elle t'est confiée sans l'avoir demandée, tu seras soutenu dans ta tâche, mais si elle t'est confiée à ta demande, tu seras livré à toi-même. Par ailleurs, si tu fais le serment de faire une chose, mais qu'il t'apparaît ensuite qu'il y a mieux à faire, alors fais ce qui est le mieux et expie ton serment. Al-Bukhari et Muslim. 675. D'après Abu Dharr, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit: Ô Abu Dharr, je vois que tu es faible et je souhaite pour toi ce que je souhaite pour moi-même. N'accepte pas d'être désigné chef, même de deux personnes, ou que te soient confiés les biens d'un orphelin. Muslim. 676. Abu Dharr, radiyallahu anhu, rapporte avoir dit: Ô messager d'Allah, pourquoi ne pas me confier une responsabilité? Comme gouverneur d'une province, percepteur d'impôts ou chef d'une troupe. Il, alayhi salatu wassalam, me tapa sur l'épaule et me dit: Ô Abu Dharr, tu es faible. Ces fonctions sont une grande responsabilité et une source de disgrâce et de remords le jour de la résurrection, sauf pour celui qui s'en acquitte comme il se doit. Muslim. 677. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Vous convoiterez le pouvoir et ce sera une source de remords le jour de la résurrection. Al-Bukhari